Les pommes de terre. Enfin, enfin, la pauvre vieille maman était sauvée. Sa fille, Jeannette, la vit descendre du train sur le quai de la gare de l'Est. La bonne femme portait un grand panier sous le bras, et elle avait échangé sa coiffe pour un chapeau, en venant se réfugier à Paris. Jeannette embrassa sa mère. « Que de choses, Seigneur Dieu! Que de malheurs effroyables !» La vieille bredouilla. « Je t'ai apporté du beurre. La Cicot a encore une vache. Une douzaine d'œufs et des grappes de raisin. Oui, le cep en espalier sur le mur qui regarde le carré de pommes de terre, il est encore debout, ma petite. Et le carré de pommes de terre, il n'y a pas une marmite qui l'ait seulement fourragé. » Elle appuyait sur ce détail avec une espèce de défi, comme si son pan de mur debout, son cep et ses pommes de terre narguaient toutes les armées germaniques. Et puis son œil s'éteignit aussitôt dans le métro. « L'essentiel est que tu sois là, avec tes quatre membres, » disait et répétait la fille, à peu près à chaque station. « C'est tout de même malheureux de quitter, » murmurait la mère. Et un sanglot contenu lui coupait le souffle dans la gorge. Elle recouvra pourtant, et petit à petit, la parole, une fois installée chez sa fille. « Ah, c'est qu'on l'interrogeait, vous pensez ? Sur le palier, dans la maison et dans la rue. C'est Goyi qu'on habitait. Oui, mesdames. Un petit patelin comme ça, en vue de Reims. Ah, la cathédrale. On l'a toujours vue, depuis le temps qu'on était marmots. Défunt le père Souriau, comme moi. On était cousins avant que de s'établir en ménage. En ménage, si on peut dire. Car on avait tout juste 20 francs à nous deux le lendemain des noces. Du vin blanc, par exemple, il en avait coulé. Chez nous autres, il n'y a pas que les riches pour s'offrir ça, vous pensez bien. Vigneron ? Oui, madame, il était vigneron, mon homme, comme de juste. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'amasser, sou par sou, de quoi se bâtir une maison avec cave et jardin, oui, et d'entourer son clos de murs. 5 enfants, vous avez dit le chiffre, madame, oui, 5, qui étaient bien beaux et bien vivants, et aucun manquant. Avant la guerre, et élevé tous les 5, comme ma fille ici présente, qui m'a forcé de venir m'abriter chez elle, quoique ça soit dur de quitter. Quand elle disait « dur de quitter », ses yeux se couvraient d'une buée, sa gorge se contractait, et elle s'arrêtait un instant de parler. « La guerre vous prive de tout, c'est connu. On y est fait. Mon pauvre homme avait bien une balle dans les reins depuis 70, et qu'il l'asticotait par le mauvais temps. Aussi, quand c'est qu'il a vu partir ces 3 garçons, il a dit « À eux 3, il leur en fout toujours bien plus que j'en ai reçu. » Et c'est tout. Mais les boches sont passées chez nous, mesdames, sous comme des gorées déjà, avant de nous avoir vidé la cave. Ça, je m'en souviendrai. Quand le père Souriau a vu tous ces fûts à sec, ça lui a porté un coup. Depuis ce moment-là, c'était un homme fini. Ne fallait même plus lui parler de tailler ses plants de vigne, ni de bêcher son clos. C'est moi, tel que vous me voyez, qui ai semé les pommes de terre. Il se traînait, le cher homme, dans le village, la figure pareille à une viande bouillie, avec son chien Castor et sa petite fille, une jolie enfant de 11 ans et demi, qui le tenait sans cesse par la main. Faute de quoi, à ce qu'il disait, il voyait tout tourner, comme un homme ivre. Notre malheureux enfant, l'aîné, un si brave garçon, avait été tué à la bataille de Lorette. Le plus jeune était porté comme disparu depuis la bataille de l'Isère. S'est-il fait ces choses-là pour arranger un vieux père, je vous le demande. Là-dessus, voilà qu'un beau jour, l'Angélus de midi n'avait pas fini de sonner. Un boucan d'enfer secoue le village. Il y avait 12 mois que la côte de Brimont tirait sur Reims, sans qu'on nous ait fait l'honneur de nous souhaiter le bonjour à la manière boche. Il nous devait bien cette politesse rapport à nos caves. C'était une marmite qui venait d'écraser les bâtiments de l'école primaire. 3 minutes après, une deuxième bombe sur les gens du village rassemblés, comme on dit, au lieu du sinistre. 8 hommes, 3 enfants, hachés menus comme chair à pâté. Le lendemain, pan ! J'étais en train de cercler les pommes de terre. Je vois s'écrouler devant moi notre maison, sauf la resserre à étaler les graines. Le père Souriau rentre avec la petite à la main et Castor. T'as aussi bien fait de traînasser dehors, que je lui dis. On aurait été en train de manger la soupe, qu'il ne resterait pas un fétu de nous trois, et du chien. C'est dans la cave qu'on s'est établi depuis ce temps-là. Il n'y avait pas à choisir. Mais à l'heure de l'obus, quand le grand-père et la petite sortaient, sait-il que je serais une poltronne, mesdames? J'avais des inquiétudes. Je les vois revenir, les chers mignons, il y a de ça 3 semaines, avec le chien gambadant, à 20 mètres de moi. Pas plus, pas moins. Tout à coup, poum, patapoum! Et voilà la petite qui lâche la main de son grand-père en s'écriant. C'est sur l'église, pour sûr! Les enfants, ça n'est pas craintif. À l'église, elle y court. Le chien la suit. Bon Dieu, que je fais! En voilà une autre de sacrée marmite! Je l'entendais qui déchirait l'air comme une pièce de toile. La terre se soulève dans la rue, mes bonnes dames, jusqu'au-dessus des toitures. De ma petite fille, du cher petit ange du bon Dieu, ni du chien, on n'a jamais rien revu, mesdames, que des bribes. Mais faites excuse, autant n'en point parler, ça soulève le cœur. Mon vieux en est mort, lui, au fond de sa cave, dans les 24 heures. Pauvre madame Souriau,